Es geht weiter mit unserer Botschaft, du und Jesus Christus. Amen. Amen. Continuer avec notre message sur Jésus-Christ. You and Christ. Du und Christus. Toi et Jésus-Christ. I hope you still remember the diagram. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an die Zeichnung. Our diagram on Sunday. Amen. Amen. The two diagrams. Amen. Die zwei Abbildungen, die wir hatten. J'espère que vous vous rappelez à l'image que nous avons écrit sur le tableau. Don't separate yourself from Christ. Traîne dich nicht von Jesus Christus. And don't allow anybody to separate you from him. Und lass nicht zu, dass sich irgendjemand von ihm trennt. Amen. Ne te sépare pas de Jésus-Christ, puis ne laisse pas aussi qu'une autre personne te sépare de Jésus-Christ. And that's why somebody tell you thank you. You know, if she's telling thank you, if I'm saying thank you for blessing the house of Christ, don't say no, it's not me, it's you. Deswegen, wenn it's the Christ in you I'm talking to. Danke, dass du das Haus Gottes segnest. Amen. Dann, verweigere dieses Danke nicht, denn es ist Amen. Christus in dir, dem ich danke. Just say, instead, just, or you can say thank you. Let us thank our Father. We thank our Father together that help us to listen to him. Wir danken unserem Vater gemeinsam, dass wir ihm zugehört haben. Quand je te remercie parce que tu as béni la maison de Dieu, ne dis pas que non, c'était pas moi. Arrête de te séparer de Jésus-Christ. Tu dois choisir de dire merci Jésus-Christ comme tu nous aides à bénir ta maison. Donc on va remercier Dieu nous tous ensemble. And it is not, it's not me. No, no. You know, Peter, John, they never, there's nothing like that. Und wir sollten nicht die ganze Zeit dann sagen, nee, ich bin das nicht, weil Petrus und Johannes, die waren auch nicht so eingestellt. Donc quand on te remercie, ne te sépare pas de ça quand on dit merci à toi. Praise the Lord. Hallelujah. You can say thank you, Jesus. Du kannst sagen, danke, Jesus. Tu peux dire merci, Jésus. Amen. Amen. When somebody say thank you, you can say thank you, Jesus. Wenn jemand sich bei dir bedankt, kannst du Dank Jesus sagen. Et quand quelqu'un te remercie, tu peux dire aussi au retour merci Jésus Christ. So that person, because for you might know it's about Jesus Christ. That person might not even know that it's about Jesus Christ. Weil die Person weiß vielleicht nicht, dass es über Jesus Christus immer geht bei dir, aber du weißt, dass es dir immer um Jesus Christus Amen. Geht. Amen. Parce que ça peut arriver que la personne ne sait pas qu'il s'agit seulement de Jésus Christ, mais toi tu le sais, c'est pourquoi tu dis aussi merci Jésus Christ. If somebody outside come and tell you thank you for helping me for this and that, just say thank you Jesus. Then maybe he or she might even ask, why are you saying thank you Jesus? Because I'm one with him. Und die Person wird dich vielleicht fragen, weshalb sagst du Danke, Jesus, weil sie das nicht versteht oder nicht kennt. Und dann kannst du auch die Gelegenheit nutzen, um zu predigen. Et quand tu aides une personne à part de l'église et puis et cette personne te remercie, tu peux dire aussi directement merci Jésus-Christ et puis utiliser cette phrase comme opportunité pour prêcher à cette personne parce qu'elle va se demander ah, pourquoi tu dis merci Jésus-Christ. Et c'est là où tu peux commencer aussi à donner Jésus-Christ à cette personne. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So also, no one can separate this ministry from Christ. Genauso kann niemand diese Gemeinde von Christus trennen. C'est comme ça aussi, personne peut séparer cette église de Jésus-Christ. Amen. Amen. You know how he speak to me. So wie er zu mir spricht. La façon comme il parle à moi. It's so different. Ist so anders. C'est différent. You know, somebody going to, it's like going to a war zone. Das ist so wie jemand, der in ein Kriegsgebiet zieht. C'est comme si une personne part dans une place de guerre. And need the prayer. Und Gebet braucht. Et puis la personne de prière. He want me to pray for him. Und er möchte, dass ich für ihn bete. Et puis il veut que je prie pour lui. Then I ask the Lord, am I to do it or not at all? Und ich habe den Herrn gefragt, ob ich für diese Person beten soll oder nicht. Et j'ai demandé Dieu si je dois prier pour cette personne ou pas. You learn to go to him in everything. Wir müssen lernen, even praying for anybody. In allem zu ihm zu gehen, selbst wenn es darum nur geht, in Anführungszeichen für jemanden zu beten. Et tu dois apprendre de partir vers Jésus-Christ dans chaque circonstance, avec chaque situation, pour, même si tu veux prier pour une personne. Amen. Amen. Because you do not even know what to pray. Denn du weißt nicht, wofür du beten sollst. Parce que tu peux, ça peut arriver que tu ne sais pas. And how to pray. Und wie du beten sollst. Et comment tu vas prier. And the need. Und das that very person's need. What the Lord want for him was or her. Person, was that person might tell you what he want, but what does the Lord want for him or wirklich her? Für die Person will, weil die Person kann dir sagen, dass sie das und das möchte, aber das ist, es stimmt nicht überein mit dem, was der Herr für diese Person möchte. Et avant de prier pour une personne, tu dois aussi demander Dieu parce que tu ne sais pas aussi, tu ne connais pas les besoins de cette personne et puis la volonté de Dieu parce que ça peut arriver que la volonté de cette personne est différente comparée avec la volonté de Dieu. The Lord said I should pray for him to know him. Und, I should pray for this person. The prayer for this man, for this young man should be that he should know Christ. Und in diesem Beispiel hat der Herr mir gesagt, dass ich für diese Person beten soll, dass sie Jesus Christus besser kennenlernt und nicht dafür beten soll, dass sie nicht stirbt bei dem Einsatz in dieses Kriegsgebiet. Et c'est comme ça aussi quand cette personne m'a dit de prier pour elle. J'ai prié à Dieu puis j'ai dit aussi après Dieu m'a révélé que je dois prier que cette personne connaisse Jésus-Christ plus mieux. He said the prayer for him should be he should be hungry of him. Das Gebet sollte sein, not prayer of protection. Jesus und nicht das Gebet von Schutz. Après Dieu aussi m'a révélé de ne pas prier pour la protection mais pour que il connaisse Dieu plus donc mieux oui. Amen. I remember some time ago, my brother told me that he said he wants to, there's a girl he wants to marry, and I should help him to pray over it if he's good or not. Ich kann mich auch daran erinnern, als mein Bruder zu mir kam und mich gefragt hat, über, dass er möchte, dass ich für ihn bete, weil er eine Freundin hat und er möchte wissen, ob er sie heiraten soll. Et je me rappelle aussi quand mon frère est venu vers moi pour que je prie pour lui parce qu'il voulait marier une femme. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And after some days, there was nothing. The phone has said nothing for now. I don't see anything wrong in it. Or I've not heard from the Lord. But you can still give me time. Then he gave me more time. And the Lord spoke a day or 2 days later. And I phoned him immediately. I said, the Lord has said something. Then he said he was so anxious to hear it. I told him that the Lord said, you should come to him first, before that woman. Und dann habe ich halt ein paar Tage gebraucht. Und dann hat der Herr zu mir gesprochen und mir gesagt, dass mein Bruder erstmal Jesus kennenlernen soll, vor allem anderen. Après, mon frère m'a appelé encore quelques jours après. Je lui ai dit que je n'ai rien écouté. Après 2 ou 3 jours passés, Dieu m'a révélé que c'est très important que mon frère connaisse d'abord Jésus-Christ avant d'avoir une relation avec la femme. He said you should come to him, and if you not know him, then bring that woman to him. Und er hat gesagt, er soll zu Jesus kommen, und wenn er Jesus dann kennt, also Beziehung mit ihm hat, soll er diese Frau zu ihm bringen. Et puis Dieu m'a révélé que mon frère doit d'abord venir vers Jésus-Christ, après aussi emmener cette femme vers Jésus-Christ. He did not like it. Aber ihm hat diese Antwort nicht gefallen. Mais cette réponse ne lui a pas plu. You know, religious pastors, they are so fast. I don't know if they, you know, that it's not in Holy Spirit. So for them, it's all about what they see, how they see things. The system of this world. Und Christ's world is the system of Christ. Nach dem, was sie sehen, aber im Königreich von Jesus Christus geht es um das, was Jesus sagt. Et puis je vois toujours que les pasteurs religieux sont toujours très vite à reprendre les gens parce que eux, ils n'ont pas vraiment une relation avec le Saint-Esprit, mais ils préfèrent de prendre leurs décisions toutes seules. You don't come to Jesus and tell him what you want. You ask him what he has for you. Amen. Amen. Du kommst nicht zu Jesus und sagst ihm, was du willst, sondern du kommst zu ihm und fragst ihn, was er für dein Leben möchte. Quand tu parles avec Jésus-Christ, tu peux pas lui diriger pour lui dire ce qu'il doit faire dans ta vie, mais c'est toi qui dois demander pour te soumettre aussi à Jésus-Christ pour sa propre volonté. Praise the Lord. Amen. It is not after taking decision you not tell Christ to bless it. Und genauso auch nicht, du triffst nicht deine Entscheidung und dann bittest du Gott darum, es zu segnen. C'est comme ça, si tu peux pas prendre ta propre décision, après tu dis à Jésus-Christ qu'il va le bénir. Praise the Lord. Amen. You know, my daughter, one of my children here, they have a flat. He said I should come and pray over it. I said, for what? Why should I do that? Did you ask the Lord before doing it, before having the flat? He said yes. Then it's already blessed. You don't need any other prayer. Noch in einem anderen Beispiel sollte ich für die Wohnung einer Schwester an Christus beten. Ich habe ihr auch gesagt, wenn diese Wohnung wirklich von Christus ist, dann muss man nicht mehr dafür beten, dann ist das schon gesegnet. Et c'est comme ça aussi, ma fille m'a demandé à de prier pour sa maison quand elle est déménagée, mais je lui ai demandé est-ce que la maison c'est la volonté de Dieu. Après, elle m'a répondu oui, c'est la volonté de Dieu. Après, je dis donc on n'a pas besoin de prier parce que cette maison c'est déjà bénie par Jésus-Christ. You know, the Lord never gives us what He has not blessed. Der Herr gibt uns nichts, was er nicht schon gesegnet hat. Puis Dieu nous donne jamais quelque chose qu'il n'a pas béni. If you go to Genesis, you will know that. Und in 1. Mose He created everything, and blessed them and gave them to Adam. Er hat alles erschaffen und gesegnet und es dann Adam gegeben. And not you going to get things and then giving it to him to come and bless. Nicht du suchst dir Sachen aus Satan und bittest darum, things, and you want Christ to turn it dass outside. Christus es segnet, dass du Dinge vom Teufel annimmst und dann willst, dass Jesus diese Dinge vom Teufel segnet. Et c'est comme ça aussi, on voit aussi dans Genèse que Dieu, quand il a créé le jardin d'Eden, il a d'abord tout préparé, il a tout béni, après il a tout donné à Adam. Donc tout était déjà préparé pour Adam. A body without a spirit is a dead body. Ein Körper ohne den Geist ist ein toter Körper. Un corps sans un esprit est un corps mort. A ministry without Christ is a dead ministry. Eine Gemeinde ohne Christus ist eine tote Gemeinde. Une église sans Jésus-Christ est une église morte. A ministry that is not all about Christ is a dead ministry. Eine Gemeinde, der es nicht Jesus Christus gibt, ist eine tote Gemeinde. Une église où Jésus-Christ n'est pas au centre est une église morte. Remember Colossians 1, everything created by him and for him alone. Amen. In Kolosser lesen wir, dass alles für ihn und von ihm erschaffen wurde. Amen. Et Colossiens 1 nous dit que tout a été créé par Jésus-Christ pour Jésus-Christ. He is the head of the church. Er ist der Kopf der Gemeinde. Il est la tête de l'église. This church belongs to him. Diese Gemeinde gehört ihm. It's not my property. It's his property. Besitz, sein Besitz. Cette église appartient à Jésus-Christ. C'est pas mon bien, mais c'est de Jésus-Christ. And that's why it's all of us. It's our property. It's all of us. We are the Christ in us is the owner of this ministry. Deswegen ist sie unser Eigentum. It belongs to all of us. Donc c'est comme ça aussi que l'Église appartient à nous tous parce que nous tous nous avons Jésus-Christ en nous. Praise the Lord. Amen. I notice a lot of copy everywhere today. Copy. Ich habe viel, mir sind viele Kopien aufgefallen heute. J'ai remarqué beaucoup de photocopies partout. Dead churches copying living churches. Tote Gemeinden, die lebendige Gemeinden nachahmen. Les églises mortes copient les églises vivantes. You know, you can hear Jesus Christ from them. Du kannst Jesus von ihnen hören. Tu peux écouter qu'il prêche de Jésus Christ. You can hear the men, you know, even them measuring the Holy Ghost, the Holy Spirit. Oder sie sprechen auch vom Heiligen Geist. Et puis ils parlent aussi du Saint-Esprit. But what they lack is the truth. Aber was ihnen fehlt, ist die Wahrheit. Mais ce qu'il manque, c'est la vérité. The truth is no is what no one can manipulate. Die Wahrheit ist etwas, was niemand manipulieren kann. That's why Jesus called it freedom. Deswegen nennt Jesus Freiheit. Et puis la vérité, personne peut le manipuler. Puis c'est pourquoi si Jésus-Christ appelle la vérité la liberté. If you look at religion, they will talk about the Holy Spirit or talk about Jesus Christ even more than us here. But what they lack is the, you know, that's why you. It is with you listen to the message and know what is being preached, if it is the truth or imitation. Und religiöse Gemeinden können sogar öfters Jesus oder Heiliger Geist sagen als lebendige Gemeinden, aber darum geht es nicht. Es geht um die Wahrheit dahinter und deswegen müssen wir auch Gemeinden prüfen, indem wir uns anhören, was diese Leute sagen. Ist die Wahrheit da oder nicht? Et puis c'est comme ça aussi, il y a beaucoup des églises qui prêchent Jésus-Christ, puis ils mentionnent aussi le Saint-Esprit, mais comme nous avons le Saint-Esprit, nous devons toujours tout vérifier et puis savoir si c'est réellement la vérité ce qu'ils ont. Praise the Lord. Amen. There are a lot of fake Holy Spirit that people have today. Es gibt viele falsche heilige Geister, die Leute haben. They are evil spirits. Das sind böse Geister. They call them Holy Spirit. Aber sie nennen ihn Heiligen Geist. Et puis de nos jours, il y a beaucoup de faux Saint-Esprit dans les églises. Et puis ce Saint-Esprit est un esprit mauvais. No wonder Jesus said, by their fruit you shall know them. Kein Wunder, dass Jesus sagt, durch ihre Frucht wirst du sie erkennen. Et c'est ça aussi, Jésus-Christ a dit, à travers leurs fruits, vous allez le reconnaître. By their fruit, by their message, by the truth. Durch ihre Botschaft, durch die Wahrheit wirst du sie erkennen. You know where they are coming from, the root. Wirst du wissen, woher sie kommen, you know the root. Et à travers le message, à travers la vérité, tu vas connaître s'ils sont réellement de Jésus-Christ ou pas. À travers les racines, tu vas le reconnaître. Praise the Lord. Hallelujah. It is only through the true Holy Spirit that you can know what Christ called the truth. Nur durch den wahren Heiligen Geist kannst du die Wahrheit erkennen. Amen. Seulement à travers le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, tu peux reconnaître la vérité. It is only through the true Holy Ghost that you can know what Christ called good or evil. Nur durch den wahren Heiligen Geist kannst du wissen, was Jesus gut oder schlecht nennt. Et puis à travers le Saint-Esprit, tu peux reconnaître ce que Dieu ou bien Jésus-Christ appelle bien ou bien faux, ou bien du mal. Amen. Amen. You know, what I can, let me just quickly say this. You know, honor your father and your mother. It sounds so good. Deine Mutter und deinen Vater zu ehren, hört sich gut an. Que tu dois honorer tes parents, ça s'écoute très bien. But what they don't know is that the true mother, the true father, is what they don't know. Aber sie who is the true mother, who is the true father? Den wahren Vater und die wahre Mutter nicht. Mais les gens qui citent cette phrase ne savent pas qui est vraiment le vrai parent. You know, in Matthew 12, Jesus told us his true parents. In Matthäus 12 hat Matthew uns Jesus 12. Unseren wahren Vater, seine wahren Eltern gezeigt. You remember that? Amen. Amen. Et dans Matthieu 12, Jésus-Christ nous révèle qui sont ses vrais parents. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, the natural mother was looking for him. Seine natürliche Mutter hat nach ihm gesucht. Et sa mère naturelle, Marie, l'a cherché. The siblings, they were there too. Seine Geschwister waren auch dort. Et ses frères et sœurs étaient aussi sur place. And they said, look at them, I'm looking for you. And Jesus said, my true, my real parents, my real family, my true family are those that listen to him. So the true God. Auf ihn hören und sein Bild tun. Das ist seine wahrhaftige Familie. You can see the truth. Da ist die Wahrheit hinter. Et les frères et sœurs de Jésus-Christ ont dit, ta mère te cherche. Après, Jésus-Christ a répondu, mes vraies mères et ou bien mes vrais parents sont les gens qui font la volonté de Dieu. You know, religion never see Christ as the true family. Religion sieht Christus nicht als die wahrhaftige Familie an. Et puis la religion ne voit jamais Jésus-Christ comme le vrai parent. For them, it's all about the flesh. Für sie geht es nur um das Fleisch. Parce que pour eux, il s'agit seulement de la chair. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Christ's word is about the spirit. Le Wort von Christus, da geht es um den Geist. Mais au monde du Christ, il s'agit seulement de l'esprit. Amen. Amen. Amen. You know, I don't know. Please, in Matthew 12, you can read it yourself at home. Amen. That very place. Let me show you. From Matthew 12, from 46 to the end. Matthäus 12, 46 bis zum Ende. Those of you that don't know them, please go there yourself. Amen. Die von euch, die die Stellen nicht kennen, liest sie euch bitte nochmal durch. 46 to 50, to the end. 46 bis 50. Notre devoir, c'est Matthieu 12, verset 47 jusqu'à la fin. C'est là où l'histoire est écrite, qu'on vient de parler. Look at verse 50. It says, for whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, my sister, and my mother. And that is the truth. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Amen. Ici dans verset 50, on écrit, oui, ce qu'il fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, cette personne est mon frère, ma sœur, ma mère. Amen. Amen. Amen. You know, religion, we say honor your father and your mother, and they never say honor Christ. Religion sagt, ehre deine Eltern, aber sie sagen nicht, ehre Christus allein. La religion nous dit toujours, honore tes parents, mais dit jamais, honore Jésus-Christ. Christ is our true family. Christ ist unsere wahrhaftige Familie. Le Christ est notre vraie famille. Amen. Amen. Peter said, they left all. Petrus sagt, sie haben alles verlassen. Not in the natural family, everything. Familie, alles haben sie verlassen. Et Pierre dit, nous avons tout quitté, même aussi la famille naturelle. Remember, somebody father died. He said, well, we are going to bury him. The Lord said, leave the dead to bury their dead. Mm, you Vater, follow me. Ist von einem gestorben. Und Jesus hat gesagt, lass die Toten begraben. Et dans la Bible, on voit aussi quand un disciple voulait suivre Jésus-Christ, il a dit que laisse-moi d'abord creuser mon père. Après, Jésus-Christ a dit mon père. Il a dit, Jésus-Christ a répondu, laisse les morts enterrer leurs morts. You know, Jesus, he never had the pity of this world. Jesus hatte niemals das Mitleid dieser Welt. Et puis, Jésus-Christ n'avait jamais la pitié de ce monde. No pity of this world. Kein Mitleid dieser Welt. Il n'avait pas la pitié de no good of this world. Kein Gutes dieser Welt. Pas le bien no de love of this world. Keine Liebe dieser Welt. Pas l'amour de no good mercy of this world. Keine Gnade dieser Welt. Are you seeing it? You know, if you hear somebody father died, you know how you will feel. Oh, sorry. You know, you know for Jesus. It's so different. Bei Jesus war das einfach anders. For him, it's all about his father. Ihm ging es einfach nur um seinen Vater. And for you, it should be all about Jesus Christ. Und hier sollte es auch nur um Jesus Christus gehen. Amen. Et pour Jésus-Christ, le Père était toujours au centre de sa vie. C'est comme ça, ça doit être aussi dans ta propre vie, que tu vois seulement Jésus-Christ comme ton centre. You better allow your focus to be on him, to be him alone. Dein Fokus auf ihm alleine liegt. Amen. Et puis tu laisses aussi que Jésus-Christ soit ta propre concentration. If there are other things still attached to you, Satan will use it to take you out. Wenn andere Dinge noch mit dir verbunden sind, wird der Teufel das nutzen gegen dich, um dich zu zerstören, weil sehr gerissen ist. Et si tu es attaché aux certaines choses, tu dois faire très attention parce que le diable va utiliser ces choses pour te séparer de Dieu. Amen. Amen. Satan is very clever. Der Satan ist sehr gerissen. Jesus even said it in Matthew 10. Look at it, verse 16. Matthäus 10, Vers 16. Jésus-Christ l'a dit aussi à Matthieu 10, verset 16. He said, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. Be wise as serpents. No, Satan is so wise. Seid klug wie die Schlange, denn der Satan ist klug. It's not just snake that you see. It's talking about Satan. Matthäus 10, Vers 16. Matthieu 10, verset 16. Écoutez, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et innocents comme les colombes. Ici, la Bible nous dit que le diable, qui est le serpent, est très prudent. Praise the Lord. Hallelujah. You can see, you know. God gave him that wisdom. Gott gab ihm diese Weisheit. Et puis c'est Dieu qui l'a donné la sagesse. Amen. But it is now polluted to wisdom. Was ist eine verunreinigte Weisheit? Mais cette sagesse est polluée. And it's using it. Und nutzt everywhere in the world. In der ganzen Welt. Et puis il l'utilise aussi dans partout dans ce monde. Amen. Amen. So that no one can see Christ. Damit niemand Christus sehen kann. Pour que personne voit Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Your victory is not another example. Your victory is not you pass your exam. Oh, dein Erfolg ist auch nicht, dass du deine Prüfung bestanden hast. Amen. Ta victoire n'est pas aussi que tu as passé tes examens. Praise the Lord. Hallelujah. Your victory is you have Christ. Dein Erfolg ist, dass du Jesus Christus hast. Amen. Ta victoire est que tu as Jesus Christ. And you keep on choosing him. Und du wählst ihn immer wieder. Et que tu continues à choisir Jésus-Christ. Amen. You know, the unsaved, they pass their exam. Die Ungläubigen, sie they pass their exam. Bestehen ihre Prüfungen. Les païens aussi, eux, ils passent leur examen. Amen. Amen. You know, if passing your exam is your true victory, you are not different from the unsaved. wenn Prüfungen zu bestehen dein Erfolg sind, dein wahrer Erfolg sind, dann bist du nicht anders als Ungläubiger. Et quand ta victoire est que tu passes tes examens et que tu as des bonnes notes, tu n'es pas différent comme les païens. I prefer somebody that choose Christ and fail his exam than somebody that ignore Christ and pass his exam. Aber ich wähle lieber jemanden, der Christus hat und deswegen seine Prüfung nicht besteht, als jemand, der seine Prüfung besteht und Jesus nicht hat. Je préfère une personne qui échoue dans ses examens qu'une personne qui passe ses examens mais sans voir Jésus-Christ. What shall it profit a man if he passes his exam and ignores Christ? Yeah. Denn was nützt es einem Mensch, wenn er seine Prüfung besteht, aber Jesus ignoriert? Parce que qu'est-ce que un homme si il passe ses examens mais il n'a pas Jésus-Christ? Amen. Amen. You know, Jesus said, "Don't admire them." Jesus hat gesagt, wir sollen sie nicht beneiden. Wir sollen die Welt nicht beneiden. Et puis Jésus-Christ nous a dit qu'on ne doit pas être jaloux de ce monde. Don't admire them, please. Wir sollen die Welt nicht beneiden. Et puis tu ne dois pas aussi être jaloux. Don't admire Satan. Beneide nicht den Satan. Ne sois pas jaloux du diable. Because admiring them is admiring Satan. Denn sie zu beneiden, ist den Teufel zu beneiden. Also quand tu es jaloux d'eux, tu es aussi jaloux du diable. They might be going to a church, but they never submit to Christ. Aber sie geben sich Christus nicht hin. Peut-être ils partent aussi à l'église, mais ils ne se soumettent jamais à Jésus-Christ. They might be listening to the message, even the message here. But they refuse to submit to Jesus. Vielleicht sogar die Wahrheit an, aber sie weigern sich Jesus hinzugeben. Peut-être ils écoutent aussi le même message que toi tu écoutes, mais ils refusent de se soumettre à Jésus-Christ. And they might pass their exam or have any victory, but don't admire them. Und sie bestehen und haben Erfolg. Because their victory is dead. Aber dennoch sollen wir sie nicht beneiden, denn ihr Erfolg ist tot für sie. Et peut-être aussi ils passent leur examen. Go to Psalm 37. Mais cette victoire et la mort. Psalm 37. Psalm 37. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. Psalm 37, 1. Psalm 37, verset 1. It says, afraid not yourself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Don't be envious of them. Beneide sie nicht. Verset 1. Ne te mets pas en colère contre les gens mauvais, ne sois pas jaloux des gens malhonnêtes. Praise the Lord. Hallelujah. You know their time is so short. Ihre Zeit ist so kurz. They don't know that. Was wissen sie nicht? Leur temps est tellement court, mais ils ne savent pas. He said, for they shall soon be cut down like the grass and wither as the green hair. But you trust in the Lord and do good. To trust in the Lord and choose Christ. To do good is to choose Christ. Verset 2. Oui, ils sécheront aussi vite que l'herbe, comme les feuilles vertes, ils s'évaneront. Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien. Tu fais ce qui est bien quand tu crois en Jésus-Christ. Amen. Amen. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight yourself also in the Lord, verse 4, and he shall give thee the desire of your heart. Verse 5. Commit your way unto the Lord. Trust also in him, and he shall bring it to pass. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Don't do anything without Christ. Tu nichts ohne Christus. Verset 3 à 5. Mets ta confiance dans le Seigneur, fais ce qui est bien, alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur, il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Verse 6. And he shall bring forth your righteousness as the light, and your judgment and thy judgment as the noonday. Rest in the Lord. Do you know how to rest in the Lord? Wisst ihr, wie wir uns im Herrn ausruhen, indem wir ihm glauben? And not being worried. Und uns keine Sorgen machen. Verset 7 nous dit « Reste en silence devant le Seigneur. » La façon comment on reste en silence, c'est quand ne se fait pas de soucis. And wait patiently for him. You see it there. You see the verse 7. Amen. He said, afraid not yourself because of him who prospered in his way. They prosper, but in their own way. Sie haben Erfolg, aber auf ihre Art und Weise. They pass their exam, but in their own way. Sie bestehen, aber auf ihre Art und Weise, nicht auf die Art und Weise des Herrn. Verset 7. Reste en silence devant le Seigneur. Attends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Ici, on voit que l'homme qui réussit naturellement a de ses propres chemins à réussir. Et tu ne dois pas être jaloux. Praise the Lord. Hallelujah. Again, verse 7. Rest in the Lord and wait patiently for him. Are you getting it? Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Amen. Patiently for geduldig. Don't be in haste. Sei nicht in Eile. I must pass. I must finish this year. I must do it. You know. Praise the Lord. Amen. Tu dois rester en silence puis attendre jusqu'à la volonté de Dieu soit faite et puis ne sois pas pressé. Don't listen to any laughter. Hör dem Gelächter nicht zu. Listen to Christ. Hör Christus zu. Listen to your Father. Et puis tu dois aussi arrêter de te concentrer aux moqueries des gens. Concentre-toi seulement à la voix de Jésus-Christ. They are dead. The dead man laughing. Die sind Tote. His laughter is not different from himself. Die lachen. Und sein Lachen ist genauso tot wie er. Et les gens qui se moquent de toi, ils sont morts, et puis même leurs moqueries sont morts comme eux. Praise the Lord. Amen. You know, Jesus told that woman at the well in Jesus the book of John. Frau gesagt, John 4. Amen. He says, you know who is speaking to you. Wenn du wüsstest, wer zu dir spricht, you will quickly obey. Würdest du ganz schnell gehorchen? So also, you tell them, if you know who is speaking, who is standing before you, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, you will kneel down before me. Würdest du vor mir knien? You tell them. Sometimes it's good to open their eyes a little bit. Und sag ihnen das, manchmal ist es gut, ihnen die Augen zu öffnen. Et c'est comme ça, c'est comme Jésus-Christ a dit à la femme de Samarie qui était devant la fontaine. Jésus-Christ a dit à cette femme, si tu savais qui te demande de l'eau, tu voulais, c'est toi qui voulais me demander. Puis c'est comme ça aussi quand tu es devant, si tu es devant une personne et puis cette personne se moque de toi, souvent tu dois aussi lui dire que si tu savais qui je suis, tu voulais te mettre au genou. They prosper in their own ways. Sie haben gelingen auf ihre eigene Art und Weise. He said, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Verse 8. Cease from anger. And forsake wrath. Free not yourself in any wise to do evil. What Christ called evil. Das Christus böse nennt. Amen. Amen. What Christ called evil is taking your focus away from him. Was Christus böse nennt, ist unseren Fokus von ihm wegzunehmen. You get it. Verset 8. Laisse la colère, ne sois pas furieux. Calme-toi, sinon cela va mal finir. Oui, ceux qui font du mal seront supprimés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. Et puis ici aussi, ceux qui font du mal sont les personnes qui ne font pas confiance à Dieu. Remember in Ephesians 4, it said, be angry and sin not. In Epheser 4 steht, wir sollen wütend sein, aber nicht sündigen. Amen. Et puis Ephesians nous dit qu'on peut être en colère, mais on ne doit pas pécher. We should not allow our anger to go down. Wir sollen nicht zulassen, dass unser Zorn sinkt. We should allow it to go higher and higher. Sondern dass er sich erhöht. You get it. Yeah. Against Satan. Gegen den Satan. Against evil. Gegen das Böse. What Christ called evil. Das that's taking your focus away from Christ. Und unser Fokus weg ist von Christus. Get it. Hasse das. Et puis la Bible nous dit qu'on ne doit pas laisser nos colères devenir de plus en plus beaucoup bien de monter. Et puis c'est ça aussi Jésus-Christ dit que tu fais du mal quand tu n'as pas ta concentration vers lui. He said, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Is that talking to you and me? Er spricht zu Is that for you and me? Ist das für dich und für mich? Et puis, est-ce que Jésus-Christ parle à toi et moi? Amen. Amen. Evildoers, those that ignore Christ. Die Übeltäter, die Jesus ignorieren. Les mauvais sont eux qui ignorent Jésus-Christ. If he is not talking only to the unsaved, he's talking for those that are even saved but refuse. They refuse to allow their focus to be Christ. Christ is not number one in their life. Though they believe, they have prayed the prayer of salvation. Sondern auch die Gläubigen, die dennoch ihren Fokus nicht auf Christus haben. Et les mauvais sont pas seulement les gens à part de l'Église, mais surtout c'est les enfants de Dieu qui n'ont pas leur concentration à Jésus-Christ. But those that wait upon the Lord, those that keep on choosing Him. Die den Herrn immer wieder wählen. He said they shall inherit the earth. Die werden das Land erben. Amen. Et puis, Jésus-Christ dit que les enfants de Dieu qui continuent à choisir Jésus-Christ, c'est eux qui vont hériter le royaume des cieux et toute la terre. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. Praise the Lord. Hallelujah. The wicked are not only the unbelievers. Nicht there are a lot of wicked people in the church. Es gibt auch viele Gottlose so wicked. In der Gemeinde. They never allow Christ to be number one. Die nicht zulassen, dass Christus ihre Nummer eins ist. Verset 10, encore un peu de temps, il n'y aura plus d'homme mauvais. L'homme mauvais est la personne qui ne se soumet pas à Jésus-Christ. Et puis ces personnes aussi sont pas seulement à part de l'Église. Mais surtout si dans les églises. Then in verse 10, he said, but the meek, who are the meek? Wir sind die Sanftmütigen. The meek. He said, Moses was the meekest in those times. He was the meekest man on earth. Mose hat von sich geschrieben, dass er der sanftmütigste Mensch war auf der Erde. That's number 12. Amen. He was the meekest on earth. Er war der sanftmütigste. Do you know what to be meek, the meekest, to be meek before Christ, what Christ called meekness and not what man called meekness. Do you accept, you know, you love his correction. It might be so bitter. It might be so painful to the flesh. It is because his correction crucified the flesh. Denn die Belehrung von Jesus kreuzigt das Fleisch. Jésus-Christ appelle une personne doux si cette personne se soumet à Jésus-Christ puis il continue aussi à recevoir toutes les corrections qui viennent vers lui parce que quand tu acceptes les corrections, c'est là où tu crucifies la chair. You know, Moses was called the meekest. Do you know why? Mose wurde der sanftmütigste genannt. Moïse a été la personne la plus douce. Tu sais pourquoi? And you know, Moses wrote that very place also. That he was the meekest. You know, today we would not like to write something like that. Aber heutzutage würde niemand sowas von sich behaupten. Et puis même Moïse. You know, when somebody tells you you are rich, yeah, you say, no. Genauso, wenn jemand dir sagt, du bist reich, würdest du das direkt wieder verweigern. Et tu sais, Moïse, elle a aussi écrit qu'il est la personne de plus humble, de plus doux, mais de nos jours, il y a beaucoup de gens qui voulaient dire que non, je suis pas doux du tout. You know, here they say I'm poor you. I never allow that. Mm-hmm. I don't like it. Once they tell me poor you, I say no, don't say it. Say rich me. Rich me. I'm rich in Christ. You get it. They say, no, they want to pity the pity of this world. Mm. That's the pity of this world. I hate it. I don't allow poor you. You know, here in Europe, they like it very well. You understand me? And learn to reject it and make it Christ. They might throw there, you can even preach to them. Genau, hier in Europa, oder besser hier in Deutschland, ist das so, dass man halt oft sagt, du armer Mensch. also man sagt immer gern Arme zu Menschen, denen irgendwas Schlimmes passiert ist oder denen Missgeschick passiert ist oder wenn man einfach mitfühlend Mitgefühl der Person zeigen möchte, sagt man dann gerne, du bist einfach arm. Und das muss man halt einfach verweigern, weil das halt nicht Christus ist. Und anstatt das zu sagen, sag lieber, dass du reich bist in Christus und verweigere das. Und wenn sie fragen, was du damit meinst, kannst du ihnen das auch ganz klar erklären. Ici en Allemagne, bien à l'Europe au général, on dit toujours, oh, toi le pauvre, on t'appelle toujours pauvre quand tu es dans une situation difficile pour qu'on te montre le pitié de ce monde ou bien la compassion. Mais tu dois apprendre de rejeter ce terme pauvre parce que tu appartiens à Jésus-Christ. Et puis tu dois aussi utiliser ce phrase aussi pour prêcher aux gens qui t'appellent pauvre. Amen. Amen. You know, it said that the meek shall inherit the earth. The meek, those that just accept whatever Jesus says to them. Die Demütigen sind die alles akzeptieren, was Jesus über sie sagt. Et puis les doux ou bien les humbles sont les enfants de Dieu qui acceptent tout ce que Jésus-Christ dit. Those that never question Jesus. Et puis les enfants de Dieu qui ne questionnent jamais Jésus-Christ, puis qui demandent jamais pourquoi tu as dit ceci. Whatever Jesus Christ called them, they are ready to answer. Sie akzeptieren alles, was Jesus Christus über sie sagt. Et puis ils acceptent tout ce que Jésus-Christ dit. It is humility before Christ and not before the flesh. Weil sie sich vor Christus demütigen, nicht vor dem Fleisch. Parce qu'ils sont humbles devant Jésus-Christ, pas devant la chair. You know, that's why we humble before one another. Deswegen demütigen wir uns voreinander. Et c'est ça, on doit se humilier aussi. Remember, les uns les autres. This three cycle. 1, 2, 3. Erinnert euch über diese drei Kreise, die Christ wir is in you. Am Sonntag hatten. Christus ist in dir. Amen. Amen. You are in Christ. Und du bist in Christus. You get it. Yeah. Amen. Amen. So once I humble before you, is the Christ outside you. I can see the Christ in you and outside you. Wenn ich mich demütige vor dir, ist es, weil ich Christus um mich herum sehe und in dir sehe. Rappelle-toi du cercle que je viens de dessiner, que toi tu es en Jésus-Christ et que Jésus-Christ est en toi. Et puis quand je suis humble devant toi, je suis aussi humble devant Jésus-Christ parce que toi et Jésus-Christ, vous êtes un. True. 1 Corinthiens. True. 1 Corinthiens 2. Daddy, thank you. First Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Look at what the writer said here. Amen. 1 Corinthians 2. From 1. He said, "And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom." There are two kinds of wisdom. Christ's wisdom and the wisdom of this world. Satan have his own wisdom, and that is the wisdom of this world also. Es gibt zwei Weisheiten, entweder die Weisheit von Christus oder die Weisheit dieser Welt. Und die Weisheit dieser Welt ist die Weisheit des Teufels. Il y a deux sagesses ou bien connaissances dans ce monde. C'est soit la connaissance ou bien la sagesse de Jésus-Christ ou bien du diable. You know, in Old Testament, if you are reading it, please have Christ in your head, in your mind. Once you are reading the Old Testament, have Christ in you. Because everything there, they are pointing to Christ. And if they talk about wisdom, not the type of wisdom, if it is of this world or of Christ, you get it. Wenn du das Alte Testament liest, habe Christus immer in deinen Gedanken. Und wenn sie über Weisheit sprechen, wisst ihr, dass es um Christus geht, denn er ist unsere Weisheit. Amen. Et quand tu lis l'Ancien Testament, et puis on parle de la sagesse, tu dois aussi tout connecter avec Jésus-Christ, parce que l'Ancien Testament montre toujours tout à Jésus-Christ, représente Jésus-Christ, et puis tu dois savoir que la sagesse, ça vient toujours de Jésus-Christ lui-même. If it is talking about wisdom, understanding, knowledge, it's all about Jesus Christ. Wenn es um Weisheit, Erkenntnis und Erkenntnis geht, dann geht es immer um Jesus Christus. Si l'ancien Ralph, will help us to read verse 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Praise the Lord. Halleluja. Verset 1. Moi-même, frères et sœurs, Verset 2. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. He said, and I, from verse 1 again, he said, and I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony. Christ's word is our testimony. Amen. Das Wort von Christus ist unser Zeugnis. Amen. Verset 1, moi-même, frères et sœurs, chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu, mais je ne l'ai pas fait avec... des paroles compliquées ni avec des connaissances extraordinaires. Donc, Jésus-Christ est notre témoignage. For I determined not to know anything among you save Christ Jesus and him crucified. Amen. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Why? You get it? Mm-hmm. In weakness, in fear and in much trembling. Because once I'm with you, I can see Christ. I'm with Christ. Amen. Und wieso war das so? Remember the three cycles. Amen. Es heißt mit Furcht und Zittern, weil wenn ich bei euch bin, dann sehe ich Christus. Et dans verset 3, Paul dit que quand il était devant les enfants de Dieu, il était là avec, il était faible et puis il tremblait aussi parce qu'il a vu Jésus-Christ dans les enfants de Dieu. Then in verse 4. He said, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of the power. You get it? Mm-hmm. It's not with enticing words. Amen. Oh, Daddy, thank you. Es geht nicht um can you see why I'm qualified? Seht ihr, weshalb ich qualifiziert bin? Verset 4, ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Et puis c'est ça aussi pourquoi moi et nous tous nous sommes qualifiés pour proclamer la parole, la parole de Dieu. Back to Psalm 37, now from verse 12. Psalm 37, verse 12. It said, the wicked plotted against the just. On rentre maintenant à Psaume 37, verset 12. From verse 12. Verse 12. Please read here on your own at home. Amen. Mm-hmm. You can read it again. It's 37. Psalm 37. Psalm 37. Amen. Lesen. Vous pouvez lire Psaume 37 aussi à la maison. The wicked plotted against the just. And gnash upon him with his teeth. Are you getting it? They plan. They plan. They gather. Die versammeln sich. But not by Christ. Aber nicht im Namen von but Christus. By their father, the devil. Aber im Namen ihres Vaters. That is already a loser. Satan, der ein Verlierer ist. Verset 12. It's already a loser. Verset 12. L'homme mauvais prépare de mauvais coups contre celui qui obéit à Dieu. Contre lui, il montre ses dents menaçantes. Ici, on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui se rassemblent contre les enfants de Dieu. Mais ces gens-là ont déjà perdu parce que Jésus-Christ protège toujours les enfants de Dieu. He said, the Lord shall laugh at him. The Lord laugh at him. You know, they laugh at him, but the Lord laugh at them. Sie lachen dich aus, aber der Herr lacht sie aus. Et puis, verset 13 dit, mais le Seigneur se moque de l'homme mauvais, car il voit venir le jour où il sera jugé. Donc les gens qui ne sont pas les enfants de Dieu se moquent de toi, mais Dieu se moque d'eux parce qu'il voit déjà leur fin qui est en train de venir. You know, as they are laughing, you look at them and see the Lord laughing at them. Wenn sie lachen, dann wisst ihr, dass der Herr über sie lacht. Et puis quand les gens se moquent de toi, vois seulement que Dieu se moque d'eux. Because their days are numbered. Ihre Tage sind gezählt. Parce que leurs jours sont comptés. Verse 14. The wicked have drawn out the sword and have bent their bow to cast down the poor and needy and to slay such as be of upright conversation. Verse 15. Can you help us, Felix? Verse 15. Ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bogen werden zerbrechen. Stop planning against God's children. Faites auf, gegen Kinder Gottes zu planen. Verset 14. Les gens mauvais prennent leurs lances, ils préparent leur arc pour faire tomber les malheureux et les pauvres, pour tuer l'homme qui suit le bon chemin. Mais cette lance entrera dans le cœur des gens, dans les gens mauvais, et leurs arcs se briseront. You know, planning against God's children means digging your grave. They are digging their grave. Gegen Kinder Gottes Dinge zu planen, bedeutet sein eigenes Grab zu graben. Et puis c'est très important que les gens arrêtent, que nous tous on arrête de travailler contre les enfants de Dieu, parce que quand tu travailles contre les enfants de Dieu, tu es en train de creuser ta tombe. He said, their sword shall enter into their own heart, and their bones shall be broken. A little that a righteous man had is better than the riches of many wicked. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, they might be professor. Und das sind vielleicht Professoren. They might have everything. Und haben vielleicht alles. You tell the whole world, but give me Jesus. Aber nimmt die ganze Welt und gibt mir Jesus. Are you getting it? Nein. They might be doctor, degree upon degree. Sie haben Doktortitel und Abschlüsse und sonstiges. Ah, praise the Lord. Hallelujah. I just thank Jesus that I'm not clever without Christ. Ich danke Jesus, dass ich ohne ihn nicht clever genug bin. Ça peut arriver que les gens qui sont bien éduqués, ce sont eux qui se moquent de toi, bien qui organise les assemblées contre toi. Mais tu dois être très fier de ça parce que tu as Jésus-Christ dans tes côtés. Et puis je suis fier que Jésus-Christ est à mon éducation. It is only through Christ I can do all things. Durch Christus kann ich alles tun. Seulement à travers Jésus-Christ je peux tout faire. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord uphold the righteous. The Lord knoweth the days of the upright. And their inheritance shall be forever. They shall not be ashamed in the evil time. And in the days of famine, they shall be satisfied. But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 17. Oui, le pouvoir des méchants sera détruit, mais le Seigneur soutient ceux qui lui obéissent. Le Seigneur connaît la vie de ceux qui se conduisent parfaitement. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, some of us believe like Satan. Einige von uns glauben so wie der Teufel. Y a des enfants de Dieu qui croient comme le diable. Go to the book of James. Stop believing like Satan. Faites auf, wie der Satan zu glauben. On va lire maintenant Jacques. Arrêtez de croire comme le diable. Amen. Amen. Satan believes there is God. Der Satan glaubt auch, dass es Gott gibt. Parce que le diable croit aussi que Dieu existe. But he never submits to God. Aber er ergibt sich nicht vor ihm. Mais il se soumet jamais devant Dieu. Dieu. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 19 of James 2. Jacobus 2:19. Jean 2, verset 19. Jacques 2, verset 19. Merci. Amen. He said, thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. Amen. Amen. Don't believe like the devil. Glaub nicht so wie die Dämonen. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu as raison. Les esprits mauvais le croient aussi, et même ils tremblent de peur. Tu dois pas croire comme les démons, comme le diable. Satan believe, but he never act on what he believes. Der Satan glaubt, aber er handelt nicht nach dem, was er glaubt. Le diable, il croit, mais il agit pas à sa foi. He refuses to choose Christ. Er weigert sich, Jesus zu wählen. Il refuse de se soumettre à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. You know, until I see that you choose Christ in whatever you are doing, whatever victory you have is rubbish to me. erst wenn ich sehe, dass sie Jesus wählt, werde ich die Dinge, die ihr tun, auch erachten. Aber sonst sind sie für mich wie Müll. Si par exemple tu ne choisis pas Jésus-Christ et puis tu as la victoire dans n'importe quelle situation, je vais voir comme je vais voir ta victoire comme la poubelle, comme une poubelle parce que c'est rien devant moi. Allow Christ to be your victory. Dass du das Christus dein Erfolg ist. Amen. Et puis permet que Jésus-Christ ait ta victoire. Amen. Amen. Yeah. Without him, your victory is dead. Denn ohne ihn ist dein Erfolg tot. Parce que sans lui, ta victoire est morte. Even if you pass exam, that pass is dead. Dieses Bestehen tot. It's not victory. Ist kein Erfolg. Et même si tu passes tes examens, c'est rien, c'est la mort seulement parce que tu n'as pas Jésus Christ. There is nothing good without Christ. C'est nicht das gut ohne Jesus Christus. À part de Jésus Christ, rien est bon. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if I give you an example of this. You know, if you want to kill, you know, a fish in the sea, if you want to get it. Wenn du einen Fisch fangen möchtest. Si tu veux, tu veux attraper une poisson. You allow that fish to pass his exam. Lässt du zu, dass dieser Fisch seine Prüfung besteht? You know, you give that fish what he loves most. Du gibst diesem Fisch, was so er pass your exam is your dream. It's a dream come nämlich, true. Dass du deine Prüfung bestehst, das ist dein Traum. Everybody want to pass. Jeder will bestehen. Et pour que tu attrapes ce poisson, tu vas lui donner ce qu'il désire. Par exemple, si ses désirs sont de passer les examens. Amen. Amen. You know, Satan can make you pass your exam also. Der Satan kann dir auch dabei helfen, deine Prüfung zu bestehen. Because he know that, you know, don't take anything from, don't give him anything and don't take anything from him. Nimm nichts von take fail instead of pass from Satan. Und gib ihm auch nichts, dann fahr lieber durch, anstatt von ihm irgendetwas anzunehmen. Le diable, il peut aussi t'aider à passer tes examens, mais c'est vaut mieux échouer qu'avoir la victoire avec le diable, parce que le diable il va toujours prendre aussi quelque chose de toi. You know, you see, if you are fishing, you know, you give the fish what he loves best, and the fish think that you love him, and the fish he does not know he's going to land in your tummy. That's what Satan does. Und genauso wie beim Fischen, man einen Köder benutzt, um den Fisch anzulocken und nicht um den Fisch zu füttern, sondern um ihn dann selber zu essen. Genauso lockt uns auch der Teufel mit seinen Ködern, um uns dann selbst zu zerstören, nicht um uns etwas Gutes zu tun. Et quand tu veux pêcher un poisson, tu vas aussi utiliser quelque chose pour attirer ce poisson. Là, c'est comme ça aussi. Le diable, il travaille avec nous. Quand il connaît tes désirs, il va aussi utiliser tes désirs pour t'attraper, puis pour te séparer de Dieu. Or if you want to kill a rat, you know, I always use those two examples, rat. You know, give that rat, in Nigeria, give him crayfish. But here, give him keze. Cheese. That's the love you so much. Amen. Amen. Think that this person loves me. Oh. Love in Tokyo. Love me. Oh. This is love in Tokyo. But before I know it, it's already dead. Und das gleiche geht auch für Ratten. Wenn du eine Ratte fangen willst, nimmst du auch Käse oder je nachdem, in welchem Land du bist, etwas anderes, um diese Ratte zu fangen. Und diese Ratte denkt, oh mein Gott, du bist so freundlich und willst ihr etwas Nettes tun, um sie füttern, aber sie weiß nicht, dass ihr Todesurteil ist. Et quand tu veux aussi attraper une rat, tu peux aussi, par exemple, quand tu veux attraper un rat ou bien une rat, tu peux utiliser un fromage. You know anything Satan gives you is not to save you. It's alles, not because sagt, he loves you. Ist nicht, weil dich liebt. Amen. But to destroy you. Sondern dich zu zerstören. Et quand le diable te donne quelque chose, c'est pas parce qu'il t'aime, mais pour il veut te détruire. So also is what you call victory. Genauso wie was without du Erfolg nennst, ohne Jesus zu wählen. Et c'est ça aussi ce que tu appelles victoire sans Jésus-Christ. Quand tu as la victoire, tu dois te demander si ça vient vraiment de Dieu ou bien si c'est du diable. You know, le Satan love it. Amen. Der Satan liebt es. Le diable aime ça. He loves to see your evil joy. Er liebt your deine evil, bösartige Freude. Your evil joy. Your evil peace. Peace without Christ is evil bösartiger peace. Bösartiger Frieden. Et le diable, il aime voir ta joie mauvaise ou bien ta paix mauvaise une joie sans Jésus-Christ est une mauvaise joie. Mm-hmm. Amen. Amen. Mm-hmm. Whatever we do is Christ manifesting himself in our life. Was immer wir tun, ist Christus, der sich in uns manifestiert, wenn wir uns immer wieder für ihn entscheiden. Amen. Parce que tout ce qu'on fait, c'est Jésus-Christ qui est en train de se manifester si on continue à choisir Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Coming to Christ is risky. Zu Christus zu kommen ist riskant. Devenir vers Jésus-Christ, c'est risquant. Because everything in you and outside you are going to change. Denn alles in dir und um dich herum wird sich verändern. Parce que tout en toi et puis autour de toi va changer. Amen. Amen. They are going to change from lies to truth. Es wird sich ändern von Lüge zu Wahrheit. Et puis ça va changer de mensonge à vérité. They are going to change from the flesh to the spirit. Es wird sich ändern vom Fleisch in den Geist. Tout ce qui est la chair va devenir esprit. Mm. Remember Moses' rod, amen. Rappelle-toi au bâton de Moïse. You know it was changed from Moses' rod to God's rod. Es wurde verändert from the flesh to the spirit. Von Moses' Stab zu Gottes Stab. Amen. Et ça a été changé du bâton de Moïse au bâton de Dieu. And that's why it was able. Without that change, that drought can do nothing. It cannot divide any sea. Deswegen ohne diese Veränderung hätte dieser Stab nichts machen können. Et puis sans le changement, ce bâton pouvait rien faire, pouvait rien changer. The drought divided the sea, and they were able to walk on dry ground. It brought out water from a rock. You can, you know, anything from Christ. Allow Him to give you things, please. Have His allow Him. Have don't look at time. Lass zu, dass er time is for you and not against you. Dass er dich versorgt. For them, time is against them. For you is for you. Denn für die Welt ist die Zeit gegen sie, aber für dich ist die Zeit für dich. Amen. Quand ce bâton a changé, ça pouvait faire beaucoup de choses. Quand par exemple Moïse était capable à séparer la mer, puis c'est comme ça aussi avec nous. On doit vraiment faire confiance à Dieu, puis ne pas laisser que le temps ou bien l'âge nous tient à l'incroyance. Praise the Lord. In John 14, verse 6, Christ. The Bible said Christ is the truth. In Johannes 14:6 sagt sagt das Wort, dass Christus die Wahrheit ist. Et puis Jean 14 nous dit que Jésus-Christ est la vérité. If you hate Christ, you hate the truth. Jesus hassen, hast du die Wahrheit. Quand tu détestes Jésus-Christ, tu détestes la and vérité. And if you hate the truth, you hate Christ. Wenn du die Wahrheit hast, hast du den Christus. Et quand tu détestes la vérité, tu détestes and that's why it is so good that we love the truth. Deswegen ist es so gut, dass wir die Wahrheit lieben. Et c'est ça, c'est très important qu'on aime la vérité. It might be so bitter, it might be so painful to the flesh. Vielleicht ist es so bitter und schmerzhaft für das Fleisch. Peut-être ça fait mal, mais c'est très difficile pour la chair. Are you getting it? Learn to love it, because that is Christ himself that you are loving. Lerne das zu lieben, denn damit liebst du Christus selbst. Et puis tu dois apprendre d'aimer la vérité parce que c'est comme ça si tu aimes Jésus-Christ directement. If Christ is correcting you, correct you with the truth. Wenn Christus dich belehrt, belehrt er dich mit der Wahrheit. Parce que quand Jésus-Christ te corrige, il te corrige avec la vérité. And learn to love it. Und lerne das zu lieben. Et puis apprendre l'aimer. Praise the Lord. Alleluia. Quickly go to John 15. Johannes 14. Amen. Jean 14. John 15. Johannes 15. Okay. Then we'll stop in 15. Johannes 15. John 15. Jean 14. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Amen. 15. Johannes? 15. John 15, sorry. John 15, sorry. Johannes John 15. 15. John 15, from verse 18. 18. Verset 18. He said, if the world hates you, you know that he hated me before he hated you. Praise the Lord. Amen. Verset 18, le monde vous déteste, mais vous devez le savoir, il m'a détesté avant vous. Amen. Amen. If you were of the world would love its own. But because you are not, that's why they mock, they laugh at you. They, you know, they are different. That your laughter should tell you that you are in the right track. Aber ihr Lachen beweist, dass du auf dem richtigen Weg bist. Amen. Amen. Verset 19, vous n'appartenez pas au monde, sinon le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et tiré du monde et vous n'appartenez pas au monde. C'est pourquoi le monde vous déteste. Et puis c'est ça aussi ce qu'on voit aujourd'hui, que si le monde se moque de toi, tu dois savoir que tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. If you were of the world would love his own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Remember the word that I said unto you. The servant is no greater than his Lord. If they have persecuted me, they will persecute you also. They will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. That is why don't be surprised if they never listen to you. They refuse to listen to Christ. Verset 20, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. Les gens m'ont fait souffrir et ils chercheront à vous faire souffrir aussi. Ils n'ont pas obéi à mes paroles et ils n'obéiront pas non plus aux vôtres. He said, but all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me. If I had not come and spoken unto them, They have not had sin, but now they have no cloak for their sin. Praise the Lord. Amen. And that's why it's not about you steal, you kill, you fornicate. It's about what did you do with Christ. Genau, deswegen geht es nicht um deine Sünde, sondern es geht um das, was du mit Christus gemacht hast. Amen. Verset 21, ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Ici, on voit que ce n'est pas important ce que tu fais. Donc, tes œuvres, quand tu mens, tu voles, quand tu fais quelque chose comme ça, ce n'est pas important. Parce que Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait avec Jésus-Christ, mon fils? Il dit, verset 23, « He that hated me, hated my father also. » If you hate Christ, you hate the truth. If you hate the truth, you hate Christ. Wenn du die Wahrheit hast, hast du Christus. Wenn du Christus hast, hast du die Wahrheit. Verset 23, celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Donc, si tu détestes la vérité, tu détestes Jésus-Christ. Et si tu détestes Jésus-Christ, tu détestes la vérité. And that's why if you are fighting God's children that tell you the truth, you are fighting Christ. And it's so dangerous. Also, wenn du Kinder Gottes bekämpfst, die die Wahrheit sagen, bekämpfst du dann Jesus Christus und das ist gefährlich. Et quand tu combats les enfants de Dieu qui te disent la vérité, tu combats Jésus-Christ et puis c'est très dangereux. You know, the truth is not, the Lord can't, you know, each and every one of you, all of us here, the truth is already in us, in our spirit. And we allow him to flow through us. So he can flow through us to anybody. And if somebody is fighting any of you because you tell them the truth, they are fighting Christ. In jedem von uns ist die Wahrheit, weil in jedem von uns Jesus Christus ist, wenn wir wiedergeboren sind. Und wenn wir diesen Christus freilassen, sie uns deswegen bekämpfen sie uns wegen Christus. La vérité de Jésus-Christ est dans notre esprit. Et puis quand on partage maintenant cette vérité, avec les uns les autres, puis une personne, un enfant de Dieu par exemple, combat maintenant la personne qui est en train de prêcher, elle combat Jésus-Christ directement. Praise the Lord. Hallelujah. Why do they hate you? Es hat fast bandisch. Why are they laughing at you? Deshalb lacht man dich aus. It's because of Christ. Es sollte wegen Christus sein. Si les gens se moquent de toi, ça doit être à cause de Jésus-Christ. Amen. Amen. One of the truth is love one another. Look at verse. In this very chapter, look at verse 9, from verse 9. Johannes 15. Let us quickly read from verse 9 to 17, then we close. I explain them, then we close. Amen. On va lire verset 15, verset 9 jusqu'à 17. He said, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Now that is why as we love Christ, that is how we are to love others. Deswegen, wie Christus, so wie wir Christus lieben, so sollen wir auch andere lieben. Verset 9, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé, restez dans mon amour. Et puis c'est comme ça, comme on aime Jésus-Christ, on doit aussi aimer nos frères et sœurs. Amen. Amen. Then in verse 10, if you keep my commandment, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandment and abide in his love. Do you see? Jesus and the Father, then the you Father and Christ. And you and Christos. Can you see it? Mm. Yeah. You see, he never separated for him. It's all about his Father. Mm. And for you, it should be all about Christ. And you auch nur Christus gehen. Are you getting it? Mm. Verset 10, j'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. Et puis c'est ici aussi on voit qu'on ne peut jamais se séparer de Jésus-Christ parce que le Père et Jésus-Christ, ils sont un. Et puis nous, c'est avec Jésus-Christ, nous sommes un. Then verse 11, this is have I spoken unto you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Mm-hmm. Then look at it. Verse 13. Greater love hath no man than this, than a man lay down his life for his friends. You are my friends if you do whatever I command you. Amen. Mm-hmm. Henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father I have made known unto you. You have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you ask, you shall ask of the Father in my name, he may give to you. Verse 17. These things I command you, that you. It's a commandment that we love one another. It is a command. It's not just your choice. Yeah, if I choose to love them, I choose to hate them. It is a command. Kein Vorschlag, sondern ein Gebot. Aber ici on voit que Jésus-Christ nous commande d'aimer les uns les autres. C'est pas une choix. Un choix, mais c'est une obligation. Praise the Lord. Amen. It is a command from Christ that we love one another. C'est un gebot von Christus, dass wir einander lieben. C'est un commande qu'on aime les uns les autres. You know verse 14 told us, you know verse 14 said how to be Christ's friend. Verse 14, look at it. Verse 14 sehen wir, wie wir seine Freunde sind. Verset 14 nous montre comment être l'ami de Jésus-Christ. He said, ye are my friend, if you do whatsoever I command you. Do you see how to be his friend? Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Then in verse 15, said, friends reveal Christ to one another. That's verse 15. In verse 15 steht, dass Freunde Christus geben einander. Et puis verset 15 nous dit aussi que les amis se donnent Jésus-Christ les uns les autres. He said, henceforth I call you not servant, for the servant knoweth not what his Lord doeth. Mm-hmm. But I have called you friends, for all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Mm-hmm. Friends, reveal Christ to one another. Reveal the truth to one another and not lies. Freunde, auf meinem Christus gegenseitig und nicht das Fleisch. We stop here. Praise the Lord. Amen. Amen. Verset 15, je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle, mes amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai attendu chez mon père. Et puis ici, on voit aussi que les amis se donnent Jésus-Christ, ils se donnent la vérité, puis pas le mensonge. Amen. Amen. If you go to Colossians 3, verse 16. Colossiens 3, verse 16. Amen. Amen. Let's go there. Colossians 3, verse 16 and 17. Colossiens 3, verset 16 et 17. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Colossians 3. Verse 16. He said, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. And whatsoever you do in words or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said, verse 16 is very, very important. Look at it. That's what we have been talking about. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another. Friends, teach one another Christ. We teach one another the truth. Freunde lernen, lernen einander Christus. To help one another to get to the truth. Verset 16, que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur et en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Remember what Christ called friend. And not what this world calls friend. Erinnert euch an das, was Jesus Freunde nennt, und nicht das, was diese Welt Freunde nennt. Rappelle-toi à ce que Jésus-Christ appelle ami, puis pas ce que le monde appelle ami. What Christ calls friend is based on Christ Himself. Was Christus Freunde nennt, basiert auf Christus allein. Parce que ce que Jésus-Christ appelle ami est basé seulement sur Jésus-Christ lui-même. I will ask you, who are your friends? Und ich werde dich fragen, wer sind deine Freunde? Et je vais te demander qui sont tes amis. Christ should be the one that unites you, that makes you friends. Christ sollte der sein, der euch vereint. Et puis, ça doit être le Christ qui vous unit. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise Jesus. Amen. He called you and me friends. Er nennt dich und mich Freunde. Parce qu'il nous appelle ses amis. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Christ should be the motive of your friendship. Christus sollte das Motiv eurer Freundschaft sein. Jésus-Christ doit être le motif de votre amitié. I will not call somebody that is not of Christ my friend. Ich nenne nicht jemanden, der nicht von Christus mein Freund. Amen. Amen. Friend means you are one together. Freunde bedeutet eins sein. Avoir un ami, ça veut dire que vous êtes un. You know, in the natural world, it says, show me your friend, I will tell you who you are. In der Welt sagt man, zeig mir deine Freunde. I don't need to know you, but if once you tell me your friend, I know you. Dann weiß ich, wer du bist. Two cannot work together except they are one. Denn zwei können nicht zusammen gehen, es sei denn, sie sind eins. Et dans le monde, on dit, montre-moi tes amis, puis je veux savoir qui tu es. Et on dit aussi que les amis ne peuvent pas marcher ou bien travailler ensemble, sauf quand ils sont un. Praise the Lord. Hallelujah. And so, who are those that you call your friends? Wie nennen wir Freunde? Amen. Amen. You and Christ. So, we close here. So, praise the Lord. Hallelujah. So, please, if you have any question or anything to add,